Chapitre 13. Gérald, il faut que je vous confie quelque chose. Le duc tourna la tête vers son ami Archibald, debout près de lui et appuyé à la balustrade de la terrasse. Ils étaient seuls, tous deux occupés à fumer, et jusque-là également silencieux, chose extraordinaire de la part de Lord Othil. « Quelque chose de sérieux, mon cher ?» demanda Lord Gérald avec un demi-sourire. « De très sérieux, Gérald. Je songe à me marier. »« Eh bien, tant mieux, Archie. Qui avez-vous choisi ?» Lord Archibald se mit à mâchonner sa cigarette. Ses doigts eurent un petit geste qui lui était familier lorsqu'il se trouvait dans l'embarras. « Mon cher Gérald, vous allez me lancer vos foudres. C'est une folie de ma part, je le sais. » En un sens, c'est-à-dire, car dans le monde entier, je ne pourrais découvrir une femme réalisant ainsi toutes les perfections, fit-il dans un élan d'enthousiasme. Il n'y en a pas une ici qui l'égale. Convenez-en, Gérald. Le duc eut un tressaillement, ses paupières retombèrent un peu, voilant une seconde son regard où passait une lueur de souffrance. « Il faudrait au moins que vous me disiez le nom de cette merveille, Archie, » fit-il observer tranquillement en se penchant au-dessus de la balustrade pour secouer la cendre de sa cigarette. « Oh, la chose est bien facile à deviner, Gérald, c'est Miss Dolté. »« Vous aviez raison, Archie, ce serait de votre part une inqualifiable folie, » dit-il avec froideur. Lord Othil eut un geste de protestation presque indigné. Inqualifiable, parce que cette jeune fille est d'un rang inférieur au mien? Cette question ne m'a pas fait hésiter longtemps, Gérald. Je suis de mon temps, je ne me montre pas rigide, comme vous, sur le chapitre des traditions aristocratiques. Puisque je trouve sur mon chemin une femme charmante en tout point, ce n'est pas une pareille question qui m'empêchera de lui offrir mon nom, qu'elle portera aussi bien que mes nobles aïeules, dont aucune n'a égalé sa beauté et sa distinction incomparable. » Le duc replaça la cigarette entre ses lèvres, en tira une légère bouffée et dit avec calme « Puisque vous considérez les choses à ce point de vue, tout va bien. Mais je me demande ce que diront votre mère et vos oncles, Archie. » « Ils se fâcheront un peu pour commencer, mais Miss Magali aura tôt fait de les ensorceler tous. Cela ne m'inquiète pas beaucoup, mais le tout est qu'elle accepte ma demande. Avez-vous idée que je sois agréé, mon cher Gérald ? » demanda-t-il avec une anxiété qui se reflétait sur son long visage rosé. « Ma foi, mon très cher, je n'ai pas d'opinion formée là-dessus, » répondit le duc d'un ton léger. Il est bien difficile de deviner ce qui se passe dans les cœurs féminins, dans ceux même qui nous touchent de plus près. À plus forte raison, est-ce impossible à l'égard d'une étrangère ? Enfin, je verrai. Gérald, vous me désapprouvez ? Dit-il en regardant avec un peu de perplexité la physionomie légèrement assombrie de son ami. Je ne puis vous dire le contraire, mon cher Archie. Vous connaissez mon opinion sur les mésalliances. « Oui, je sais que vous feriez tout au monde pour demeurer fidèle à vos principes, fallût-il vous briser 20 fois le cœur. »« Oui, même s'il fallait cela, » dit le duc d'une voix un peu étouffée. « Mais je ne suis pas de cette trempe-là, moi, » s'écria Lord Othil avec un geste de révolte. « Ce mariage est parfaitement honorable, je n'y découvre pas d'obstacle sérieux et je n'irai pas, pour une question de tradition, manquer le bonheur de ma vie. » « Toutes les opinions sont libres, mon ami, » répliqua Lord Gérald avec tranquillité. « Gardez les vôtres, je conserverai les miennes, et nous ne nous entendrons pas moins bien, je pense, Archie. »« Non, Gérald, bien qu'il me soit désagréable de penser que vous me désapprouvez. J'ai été habitué à suivre vos conseils, mon cher ami, car vous avez toujours été le plus sérieux d'entre nous. Mais vous êtes parfois trop rigide. » « Ce n'est pas vous qui auriez l'idée de regarder plus bas que vous, mon orgueilleux ami. » Le duc ne répondit pas et parut s'absorber dans la contemplation des jardins, éclairés par un pâle soleil d'automne qui avait réussi à se glisser entre les nuages. 3 terrasses successives, admirablement fleuries, descendaient jusque-là. Sur la seconde venaient d'apparaître Lady Ophelia et Julianne de Wolberg en élégant costume de serge blanche. « Et vous, Gérald, ne vous déciderez-vous pas à choisir une compagne parmi les nobles ladies qui aspirent à devenir duchesse de Staldiff ?» demanda Lord Archibald en s'accoudant à la balustrade. Le duc jeta sa cigarette et donna un petit coup sec sur son plastron pour chasser un peu de cendre qui y était tombée. « Je ne suis pas pressé, Archie. Je n'ai que 25 ans, même pas sonné. »« Oui, et vous savez que vous n'aurez qu'à choisir quand il vous plaira. » »« Ah, si j'avais tous les dons que vous possédez !»« Heureux mortel !» murmura Lord O'Teal en enveloppant d'un regard d'envie la belle taille élégante de son ami et ce visage superbe où se reflétait une intelligence rare. Lord Gerald eut un petit rire bas, un peu âpre. « Enviez-moi, Archie. Savez-vous qu'à certains instants, j'ai souhaité d'être un pauvre air, un petit fonctionnaire, un humble fonctionnaire quelconque ?»« Gérald, est-ce vous qui parlez ainsi ?» s'écria Lord O'Teal, stupéfié. « Oui, c'est bien moi, Archie. Vous trouvez cela fou et vous avez raison. Chacun en ce monde, d'un bout à l'autre de la hiérarchie sociale, a ses obligations, ses épreuves et ses sacrifices. » Il s'agit d'être énergique, voilà tout. Mais ne me croyez pas plus heureux que les autres, Archie, dit-il d'une voix un peu changée. Qu'avez-vous donc, mon cher? Demanda Lord Archibald avec un affectueux intérêt. Vous n'êtes plus tout à fait le même depuis quelque temps. Une imperceptible contraction passa sur le visage du duc. Sans répondre, il s'accouda à la balustrade. « Venez-vous au billard, Lord Archibald ?» demanda Ferdinand de Wolberg en apparaissant au seuil du salon. « Très volontiers. Et vous, Gérald ?»« Je vous y rejoindrai peut-être un peu plus tard, mais j'ai donné rendez-vous dans la serre au jardinier-chef afin de conférer avec lui au sujet d'un changement que je veux y faire, et je pense que le brave homme doit s'y morfondre déjà depuis un certain temps. » Ils s'éloignèrent et Lord Gerald demeura seul, les bras croisés, le visage sombre et presque crispé. « C'était inévitable, murmura-t-il. Elle serait heureuse, Archibald est un excellent garçon. Il y a aussi ce fou de Ferdinand qui serait capable de faire comme lui, mais jamais son père ne lui permettrait une mésalliance et ce n'est pas elle, telle que je la connais, qui se passerait de ce consentement. » Il appuya la main sur son front où se formait un grand pli. La bouche eut un sourire sarcastique. « Allons, Gérald, mon ami, vous êtes l'un des premiers d'Angleterre, l'un des plus riches, des plus beaux, des plus intelligents, dit-on. Vous pouvez bien ne pas envier à l'autre le bonheur de posséder cette perle rare dont vous trouverez difficilement la pareille. Vous ferez, vous, un mariage de raison, vous rechercherez les quartiers de noblesse s'accordant avec les vôtres. » « C'est votre devoir, duc de Staldif !» Il secoua la tête avec impatience et, se redressant brusquement, il se dirigea vers ses deux cousines qui arrivaient sur la première terrasse. « Ah, je suis contente de vous trouver ici, Gérald !» dit Lady Ophelia. « Vous allez donner votre avis sur la décoration des salons pour demain. »« Impossible, Ophelia, Hooker doit m'attendre depuis longtemps dans la serre. » « Mais tenez, voici Freddy, mon cher artiste, qui va vous aider de ses conseils. » D'un geste amical, il appela Freddy, qui revenait du golf, en compagnie de Maximilien de Wolberg. Lady Ophelia eut un léger froncement de sourcils, mais elle n'osa refuser. Elle se montrait maintenant suffisamment aimable pour Freddy, afin de ne pas mécontenter son cousin, dont il était le favori, et cependant, il lui était difficile d'oublier que ce jeune homme était le frère de Magali, de la belle Magali, détestée et jalousée. « Fred, Lady Ophelia va avoir recours à vous pour une question de décoration, » dit Lord Gerald. « Vous pouvez avoir toute confiance en lui, Ophelia. Il a des idées tout à fait originales et artistiques. Liane, voulez-vous m'accompagner dans la serre? Je suis sûr que vous n'avez pas vu les nouvelles orchidées. » ajouta-t-il en se tournant vers Mademoiselle de Wolberg. Lady Ophelia, une lueur d'irritation dans les yeux, les regarda s'éloigner. Depuis quelque temps, le duc semblait marquer une sympathie particulière pour sa cousine Juliane. Ophelia ne se dissimulait pas, non sans une rage secrète, qu'elle n'avait jamais fait un pas vers le but convoité dès l'enfance, devenir duchesse de Staldif. De tout temps, son cousin avait finement raillé sa coquetterie, ses goûts mondains et ultramodernes, et lorsqu'elle avait, diplomatiquement, essayé de feindre des sentiments plus conformes aux idées du jeune duc sur l'idéal féminin, elle n'avait réussi qu'à provoquer une surprise moqueuse, très froissante, car elle lui faisait craindre que Lord Gerald, cet habile psychologue, n'eût aussitôt deviné le motif de ce soi-disant changement. Qui sait cependant si, sans cette Magali, je ne serais pas arrivée à mes fins, songeait-elle tout en se dirigeant vers le salon, suivie de Freddy. Mais sous ces deux heures froids, Gérald est d'un idéalisme outré. Cette petite mijaurée, qui fait la simple et la fervente, qui parle littérature et art et chante comme une sirène, l'a absolument ensorcelée. Heureusement, son orgueil de caste lui interdit une mésalliance. Mais alors, qui sait s'il ne choisira pas Julianne de Wolberg? Ses goûts se rapprochent des siens, elle n'est mondaine que par obligation, très pieuse, elle sait fort bien le flatter sans en avoir l'air, sous son petit air indolent. Voilà encore un danger sérieux. Et le front plissé, Lady Ophelia entra dans la galerie des fêtes, où Freddy dut s'ingénier à combiner une décoration à son goût, ce qui n'alla pas sans difficulté, ainsi que le jeune homme le confia un peu plus tard au père Noué, en remontant chez Mademoiselle Amélie pour l'heure du lunch. Dans le cabinet de travail du duc de Staldiff, très éclairé, ainsi qu'il l'était chaque soir, quelqu'un entrait avec précaution, l'oreille aux aguets. Le duc se trouvait retenu au salon par ses obligations de maître de maison, il n'était jamais ici à cette heure, mais William Roswell estimait qu'on ne peut excéder en fait de prudence, surtout lorsqu'il s'agit simplement de jeter un petit coup d'œil curieux dans les tiroirs de son maître. Histoire de se renseigner sur les idées d'autrui. C'est toujours une chose fort utile, avait coutume de penser le secrétaire. Et ce soir-là, il venait mettre son principe en pratique. Il s'arrêta une seconde devant la haute cheminée de marbre noir, merveille de sculpture, et un sourire narquois entr'ouvrit ses lèvres minces. Un jour, en entrant ici pour apporter au duc un ouvrage que celui-ci lui avait donné à copier, il avait trouvé le jeune homme debout à cette place, le front plissé, regardant d'un air sombre des fragments de papier ornés de délicates peintures qui voltigeaient à demi brûlés à travers le foyer. William Roswell avait été, ce jour-là, accueilli avec une impatience qui frisait l'irritation, et les copies, lancées au hasard, s'étaient éparpillées dans tous les coins de la pièce. Mais Roswell s'en était allé, fort satisfait de ce qu'il avait vu. De nouveau, ce contentement se reflétait ce soir sur son froid visage. Eh hé, l'orgueil a été plus fort que le cœur. Il a une tête, cet homme-là, il est énergique. Cela, je ne puis le lui dénier, bien que je le déteste. Au fond, fier comme il l'est, je n'avais pas grand-chose à craindre de lui. Je savais bien qu'il regarderait à quatre fois avant de faire une mésalliance. C'est vrai qu'il aurait joliment dérangé mes plans. Il est vrai que j'aurais pu lui vendre mon secret et il me l'aurait payé un fameux prix. Mais j'aime mieux mon autre moyen. Comme cela, j'aurais mis Dolté et sa fortune, puis je prendrai la haute main sur le petit lord. D'ailleurs, ce serait faire le bonheur de ce beau duc, et cela, non. Il se détourna, alla fermer la porte donnant sur le corridor, dans la crainte qu'un domestique ne vînt à entrer pour quelques détails de service. La trouvant close, il penserait simplement que son maître était revenu. Au moment d'agir de même pour la porte conduisant à l'escalier particulier du duo, le secrétaire se ravisa. Je pourrais oublier de l'ouvrir en m'en allant. Il n'y a rien à craindre, le duc est pour longtemps au milieu de ses hôtes. Donc, au travail. Et, à l'aide d'instruments, dont il possédait dans ses mains une fort jolie collection, il se mit à explorer le bureau. Tous les papiers passèrent sous son œil investigateur. Certains attirèrent plus longuement son attention, quelques-uns s'engouffrèrent dans la poche de son vêtement, ainsi qu'une liasse de banknotes. William Roswell professait des idées fort larges touchant le bien d'autrui et estimait faire œuvre pie en soulageant le duc de Staldiff de quelque chose de son immense superflu. Dans un tiroir, il découvrit tout seul le dessin de Freddy. « Oh oh, voilà un papier bien précieux. Il y a quelque chose d'écrit. Des vers. C'est joliment tourné, ma foi. Et c'est peut-être de Miss Dolté. L'écriture est féminine. » Il se redressa tout à coup. Son oreille avait perçu un bruit léger. Il n'eut que le temps de repousser le tiroir. La porte qu'il n'avait pas fermée à clé s'ouvrit, laissant apparaître Lord Gerald. « Eh bien, que faites-vous ici ? » dit-il brusquement en s'arrêtant une seconde. Roswell était loin d'être un novice. Instantanément, il avait pris l'attitude la plus naturelle. Je ne pouvais retrouver le dictionnaire espagnol qui m'était nécessaire pour répondre à certaines lettres et je me suis permis de venir voir si, par hasard, il ne se trouvait pas ici, répondit-il tranquillement. Le duc s'avança jusqu'au bureau. À la vive clarté des deux grandes lampes qui y étaient posées, Roswell vit ses sourcils violemment froncés et il comprit que tout n'allait pas finir ainsi. « Je ne vous ai jamais autorisé à entrer chez moi en mon absence, » dit Lord Gerald d'un ton glacé. « Ceci dénote un manque de discrétion que je ne tolérerai pas. Vous quitterez Hawker Park demain. Auparavant, vous passerez chez mon intendant pour régler vos émoluments. » Les lèvres du secrétaire eurent une crispation. Cela ne faisait pas du tout son affaire et il maudissait en cette minute sa funeste manie de curiosité. Tant pis, il fallait plier le dos et tenter d'amadouer le jeune homme pour le faire revenir sur sa décision. « En vérité, je n'avais pas pensé mécontenter ainsi votre grâce, » dit-il d'un ton très humble. « Je la supplie de me pardonner cet acte très inconsidéré, je le comprends maintenant, mais que j'ai accompli avec une simplicité sans n'y voir aucun mal. Pour cela seulement, votre grâce ne voudrait pas m'enlever cette position si nécessaire à ma subsistance, me chasser de chez elle comme un malfaiteur. Si je reconnaissais en vous un malfaiteur, vous pouvez croire que ce n'est pas demain, mais à la minute même, que vous quitteriez ma demeure. Mais je n'ai jamais pu supporter les indiscrets. Il est inutile de chercher à me faire changer d'avis, ma décision est irrévocable, dit sèchement le duc. Roswell le connaissait assez pour savoir qu'en effet, tout était inutile. Il s'inclina, lançant à mi-voix, à titre d'essai, « Comme le voudra votre grâce. Mais vraiment, cela est fort dommage, car je m'intéressais beaucoup au jeune Dolté et j'avais commencé à chercher dans mes vieux souvenirs des Indes, espérant me rappeler où j'avais entendu ce nom. » Il ne reçut en réponse qu'un dédaigneux mouvement d'épaule. Dissimulant sa fureur, il s'éloigna, un rictus mauvais aux lèvres. « Ah, vous faites le méprisant, milord duc » murmura-t-il entre ses dents. « Si vous vous doutiez pourtant de ce que pourrait vous faire savoir ce Roswell que vous traitez comme un de vos valets... Ah, milord, elle serait vite duchesse, la belle Magali, si je voulais vous dire... Mais voilà, je ne vous dirai rien, et elle deviendra Mrs. Roswell de gré ou de force. » Lord Gerald, une fois seul, s'assit dans son bureau. Son regard fut attiré aussitôt par le tiroir que son secrétaire n'avait pas eu le temps de pousser complètement. « Il me semble bien qu'il était fermé à clé, pourtant » murmura-t-il en l'ouvrant machinalement. Il prit le dessin de la cascade, ses yeux se posèrent sur les courtes strophes, ses lèvres les murmurèrent. Brusquement, il jeta le dessin dans un tiroir et ferma celui-ci. « Ce personnage était peut-être en train d'examiner le contenu de mon bureau, » songea-t-il. « Il m'a l'air tout à fait louche, cet individu. Certainement, il n'y a pas la moindre importance à attacher à son soi-disant souvenir du nom de Dolté. C'était une manœuvre pour attirer Freddy et sa sœur. Dans quel but, je n'en sais rien, à moins qu'il ne veuille offrir son nom à Miss Magali. » Il eut une sorte de rire nerveux où passait à la fois un mépris et une souffrance. « En tout cas, je ne regrette pas de l'avoir expédié. Isabelle avait raison dans sa prévention et j'aurais dû agir ainsi plus tôt. » Il passa lentement la main sur son front, profondément plissé depuis la minute précédente où il avait contemplé le dessin de Freddy, et, attirant à lui un cartonnier, il se mit à chercher le document qu'il voulait montrer à Lord Selberg et qui avait motivé son apparition inusitée à cette heure.